Il s'agit sans doute de l'une des énigmes les plus troublantes de la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis certain que vous en avez un jour ou l'autre entendu parler, l'affaire Wallenberg. L'histoire de la mystérieuse disparition d'un homme qui a sauvé des milliers de juifs. L'aventure d'un juste perdu à jamais dans les marécages de l'histoire. Et jusqu'à une époque pas si lointaine, il s'est trouvé des gens qui prétendaient que Wallenberg vivait toujours, prisonnier dans quelque lointaine geôle, dans le sinistre archipel du Goulag. Avec M. X, nous allons examiner dans le détail les circonstances de la disparition de Raoul Wallenberg en janvier 1945 à Budapest. Rappelons simplement, avant la diffusion de ce nouvel entretien, qui était Wallenberg ? Ce que nous en savons, officiellement en tout cas. Fils d'une illustre famille suédoise, architecte de formation ayant fait ses études aux États-Unis, Wallenberg s'associe pendant la guerre avec un réfugié juif hongrois. Grâce à cet homme, il est très rapidement sensible à la détresse des juifs européens persécutés, déportés et massacrés par les nazis. En 1944, lorsque les Américains et les organisations juives décident d'intervenir pour sauver les derniers juifs de Hongrie, c'est presque naturellement Raoul Wallenberg qui est choisi pour aller sur place. Sous couverture diplomatique, il est affecté à la légation de Suède à Budapest, la Suède étant, rappelons-le, un pays neutre. Dès son arrivée, muni d'un important trésor de guerre, Wallenberg se dépense sans compter. Il imagine de sauver les Juifs en leur distribuant des passeports suédois, des passeports de protection, comme il le dit lui-même, mais aussi en les logeant dans des maisons placées sous la protection diplomatique suédoise. Combien Wallenberg sauve-t-il de Juifs ? 20 000, 30 000 peut-être. Une lutte de tous les instants face à Eichmann, terrifiant comptable de la mort, qui veut absolument remplir ses trains en direction d'Auschwitz. Un combat qui dure jusqu'à la prise de Budapest par l'armée rouge. Les derniers juifs de Budapest sont sauvés, mais Wallenberg, lui, disparaît. On sait simplement qu'il a demandé à rencontrer les responsables militaires soviétiques. Ensuite, plus rien. Sa trace se perd quelque part à l'est, sans doute dans les geôles de Staline. Pourquoi ? Que pouvaient lui reprocher les soviétiques ? Pourquoi ont-ils pris le risque de s'emparer d'un diplomate d'un pays neutre ? Et pourquoi aussi, pendant tant d'années, ont-ils menti pour dissimuler l'insupportable vérité ? C'est l'histoire de ce masque de fer du XXe siècle que M. X nous raconte dans un instant, après cette pause musicale. Vous allez me dire une fois de plus que ma vision de l'histoire passe obstinément par le filtre des services secrets. Bah, c'est vrai que très souvent, vous expliquez ainsi les méandres de l'histoire. Ah, que voyez-vous, on ne s'en fait pas. Et puis tant de fois, j'ai pu vérifier qu'il y avait deux vérités, la vôtre, celle des journaux et des livres d'histoire, et puis la nôtre, celle qui se trouve au-delà du miroir ensemble. Ouais, l'ombre et la lumière, d'accord, je commence à être habitué. Alors, pardon de me répéter. Donc, si je vous suis bien, c'est étrange, affaire Wallenberg, hein. C'est encore une histoire de service de renseignement. Exactement, sinon on ne peut rien y comprendre. Hmm. Attendez, mais vous savez la vérité ou vous avez fait des déductions à la lumière de cette grille des services secrets que vous connaissez si bien ? Décidément, eh bien, je peux vous dire que dans les services, il y a longtemps qu'on savait. C'est qu'il y a eu des tuyaux venant de l'Est ? C'est cela, on était fixés. Alors pourquoi le mystère a-t-il duré aussi longtemps ? Ah, parce qu'il y avait la famille, les amis, tous ces gens qui, avec les meilleures intentions du monde, ont construit autour de cette affaire une véritable légende. Vous comprenez, on ne pouvait plus rien dire sans risquer de mettre à bas le mythe. Alors, à quoi bon ? Mmh. Une dernière question quand même, avant d'en venir au fond de l'affaire. La vérité, tout au moins celle que vous allez me donner, est-elle dommageable au personnage de Raoul Wallenberg ? En aucune façon. Wallenberg était vraiment un type formidable et son prestige n'a rien à craindre de la révélation de la vérité. D'accord, alors allons-y. Quelques mots peut-être sur l'homme ? Vous avez raison. Raoul Wallenberg, sans doute le savez-vous, est le rejeton d'une des familles suédoises les plus connues. les plus connus et aussi les plus fortunés. Les Wallenberg possédaient et possèdent sans doute encore une partie non négligeable de la Suède. Par exemple ? À l'époque, Electrolux, Arthur Martin, Ericsson, SKF, c'est eux. Sans compter les banques et beaucoup d'autres activités dans les domaines les plus variés, mais nous en reparlerons. Donc une puissance financière considérable. Et une influence tout aussi considérable. Traditionnellement, les Wallenberg ont fourni à la Suède des légions d'hommes politiques, de diplomates ou encore d'évêques. Malheureusement, Raoul Wallenberg n'est pas né au sein de la branche la plus fortunée. Mais c'est quand même un Wallenberg et ça compte. D'ailleurs, après sa disparition, tout le clan se mobilise en sa faveur. Je me souviens avoir vu des photos de lui. Hein. On voit un grand jeune homme, assez beau. Et incontestablement séduisant. Wallenberg, c'est certain, avait beaucoup de succès avec les dames. Ils sont les mêmes servis à Budapest lorsqu'il s'est agi de sauver les Juifs. De quelle façon ? En séduisant la femme du ministre hongrois des Affaires étrangères pour mieux arriver à ses fins et influencer son époux. Un donjon, donc. Un peu de cela, oui. Jusqu'au moment où Raoul Wallenberg à Budapest va donner la mesure de son ingéniosité et de sa générosité. On considère généralement que c'est un jeune dilettante, un fils de famille un peu léger, pas très sérieux. Quand il arrive à Budapest, il a quel âge ? Un peu plus de la trentaine. Et avant, qu'a-t-il fait ? Wallenberg a une passion, l'architecture. Il obtient de sa famille d'aller faire ses études dans cette discipline aux États-Unis. Donc il est architecte. Oui, mais c'est aussi un Wallenberg. Et donc, dès la fin de ses études, il est envoyé dans une succursale bancaire de la famille. Mais c'est étonnant. C'est vrai, mais on ne résiste pas aux ordres du chef de clan, le grand-père de Raoul. Toutefois, le jeune homme s'ennuie. Manifestement, il n'a pas la vocation. Alors, il retourne à ses premières amours. Curieusement, non. Il se lance dans le commerce, son grand succès. Parce qu'il fait, il papillonne. Oui, il se cherche. Mais c'est grâce au commerce qu'il va faire une rencontre essentielle. Celle d'un juif hongrois réfugié avec lequel il s'associe. Et que font-ils ensemble alors ? De l'import-export, mais c'est sans importance. Et pourquoi cette rencontre pourtant est-elle essentielle ? Eh bien parce que grâce à ce réfugié, Raoul Wallenberg prend soudainement conscience du sort qui est réservé aux juifs européens. Et cela à un moment où personne ne s'en soucie ou presque. C'est-à-dire ? Ben, vous savez très bien que pour les alliés, ce qui compte, c'est de gagner la guerre contre Hitler. La question juive passe après. Et d'ailleurs, malgré les rapports de plus en plus nombreux, de plus en plus détaillés qui arrivent à Londres, à Washington ou au Vatican, le haut commandement allié ne fait rien pour s'opposer à la déportation des juifs et leur élimination dans les camps de la mort. J'ajoute que Wallenberg sera l'un des premiers à envoyer à l'Ouest des informations précises sur la solution finale mise en œuvre à Auschwitz. Dans quelles conditions Raoul Wallenberg part-il en Hongrie ? Au printemps 1944, les Alliés commencent enfin à s'intéresser au sort des Juifs. Et le président Roosevelt en personne décide qu'il est temps de leur venir en aide. Mais comment ? Donc à ce moment-là, nombre de Juifs européens ont déjà péri. Oui, c'est juste. Mais en Hongrie, malgré la présence d'un régime allié à l'Allemagne nazie et très antisémite, les Juifs n'ont pas encore été déportés. Étrangement, le régent Horthy s'y opposait. Mais pour quelle raison ? D'abord, Horthy très lucidement considérait que les juifs hongrois, très intégrés, représentaient une réelle richesse intellectuelle et économique. Ensuite, par opportunisme, Horthy avait compris que l'Allemagne avait perdu la guerre. Et sans rompre avec les nazis, il entendait donner des gages aux futurs vainqueurs. Mais c'est une situation que ne pouvait supporter Hitler. En mars 1944, le Führer convoque Horthy. C'est un ultimatum. Ou bien vous changez de politique et de gouvernement, ou bien nos troupes envahissent la Hongrie. Et que répond Horthy ? Il choisit naturellement la première solution, mais il est trop tard. Hitler a déjà donné l'ordre d'envahir la Hongrie. Et dans les fourgons des troupes SS se trouve le grand maître d'œuvre de la solution finale, Adolf Eichmann lui-même. Avec son commando spécial, il est chargé de régler une fois pour toutes le problème juif en Hongrie, c'est-à-dire d'envoyer à la mort les 700 000 juifs du pays. Donc il y a urgence. Tout à fait. Car très vite, Eichmann, avec le sens de l'organisation qu'on lui connaît, commence à rafler des juifs et envoyer des dizaines de trains en direction d'Auschwitz. En juin 1944, plus de 400 000 hommes, femmes et enfants avaient déjà péri. Seuls les juifs de Budapest survivaient encore. Et c'est pour venir à leur secours qu'on va monter l'opération Wallenberg. Et pourquoi Wallenberg ? Parce que, citoyen suédois, il appartient à une nation neutre. À la hâte, on le fait nommer deuxième secrétaire de la légation de Suède à Budapest. Et les Américains l'envoient là-bas en lui confiant une très importante somme d'argent, à charge pour lui de tout faire pour sauver les Juifs de Budapest. L'argent est donc américain ? Oui, il lui a été fourni par un organisme qui vient tout juste d'être mis en place par Roosevelt, le War Refugees Board. Cette organisation est chargée officiellement de venir en aide aux Juifs. Mais derrière, il y a l'OSS. C'est-à-dire les services secrets américains. Exactement. Cette OSS, c'est l'ancêtre de la CIA. Et l'implication de ce service dans la mission de Wallenberg pèsera plus tard très lourd sur son destin. Dans un article du journal du Dimanche paru en août 1982, Gérard Périot raconte comment a été choisi Raoul Wallenberg. Ce qui impressionne surtout les chasseurs de têtes américains, ce sont deux choses. La firme d'import-export qu'il dirige, la Mella, commerce avec l'Europe centrale occupée et l'homme a déjà l'expérience des contacts avec les officiels nazis. Et puis surtout, il y a le nom qu'il porte et qui le rend pratiquement tabou. Jamais Hitler, qui connaît la puissance du groupe suédois, n'oserait toucher un seul cheveu d'un membre de la famille Wallenberg. Le journaliste raconte ensuite l'entrevue de Raoul Wallenberg avec Herschel Johnson, l'ambassadeur américain en Suède. Ce qu'on attend de lui est expliqué avec une brutale franchise. Fin juin 1944, sur les 760 000 juifs recensés en Hongrie, 400 000 ont déjà été déportés à Auschwitz. Reste 360 000, dont 260 000 vivent dans la capitale, Budapest. Il faut en sauver le maximum. Comment faire? Oh, vous verrez, ce sera très simple, boy. Vous irez là-bas, investi d'une mission diplomatique officielle au service de l'État suédois. Nul ne pourra rien contre vous. Et puis, notre service secret, l'OSS, vous fournira des listes, vous indiquera des méthodes que vous n'aurez plus qu'à appliquer. Les quelques diplomates suédois qui ont survécu à cette aventure se souviennent parfaitement de ce jour du 9 juillet 1944 où en gare de Budapest, ils virent débarquer Wallenberg. Ils attendaient un playboy aux cheveux plaqués avec une raie sur le côté gauche. Ils virent descendre du train un campeur vêtu d'un vieil imperméable et coiffé d'un affreux chapeau qui portait sur le dos un lourd havresac. Pour aller plus vite, aucune place de sleeping n'étant disponible, il avait fait le trajet dans le couloir essayant de dormir sur ce sac qu'il couvait des yeux comme s'il eût contenu un trésor. Et c'était un trésor, en effet, qui se trouvait dedans. 100 000 dollars et deux listes de noms, l'une de juifs à sauver en priorité, l'autre dressée par les services secrets américains, celle des officiels hongrois susceptibles de se laisser soudoyer. D'après ce récit, confirmé par bien d'autres documents, il semble donc que l'implication des services américains était totale dans cette affaire. À peine arrivé, Wallenberg se met au travail, et c'est une véritable et dramatique course contre la montre qu'il va disputer contre Eichmann. Pour lui arracher des juifs. Oui, mais quand il arrive en Hongrie, Wallenberg se trouve confronté à une situation très bizarre. Horthy a suspendu les rafles. Et toujours par opportunisme? Bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'à l'ouest, les Alliés ont débarqué en Normandie et qu'à l'est, l'armée rouge progresse très vite. Mais Wallenberg comprend que cette suspension des rafles est provisoire. Provisoire, pourquoi? Parce que l'occupant allemand se fait de plus en plus pressant. Il veut absolument obtenir qu'on lui livre les Juifs de Budapest. Et Eichmann, qui était un parfait bureaucrate, ne supportait pas l'idée que les chambres à gaz d'Auschwitz puissent un jour rester inutilisées. D'ailleurs, à plusieurs reprises, à la barbe des autorités hongroises, il va réussir à rafler des juifs et les envoyer à la mort. Mais Wallenberg, lui, que peut-il faire contre cet occupant tout puissant? D'autant plus puissant qu'en octobre, un coup d'État va amener au pouvoir les plus extrémistes des collaborateurs et les nervis du parti fasciste des Croix Fléchées. Alors, que fait Wallenberg? Eh bien, il se débrouille, il ruse. Oui, mais précisément. Déjà, quelques délégations diplomatiques de pays neutres ont distribué des centaines de passeports à des juifs menacés d'être déportés. Souvent, bien sûr, les plus fortunés ou les plus influents. Wallenberg, lui, reprend cette idée, mais sur une grande échelle. Il va faire imprimer des milliers et des milliers de passeports. Mais ces documents, avaient-ils réellement une valeur légale? C'est toute la question. Au début, c'est sûr, ces papiers ne pouvaient guère être pris au sérieux. Ils garantissaient simplement aux porteurs qu'ils seraient accueillis en Suède s'ils faisaient le voyage. Une sorte de visa, en somme. Voilà. Et Wallenberg, qui était malin, s'est bien vite rendu compte que ces documents ne serviraient pas à protéger durablement ses protégés. Il est donc allé voir Horthy. Et qu'est-ce qu'il voulait, obtenir l'officialisation de ses passeports? Oui. Et j'imagine que Wallenberg a dû utiliser des arguments très brutaux. Lesquels? Écoutez, je n'étais pas sous la table, mais étant donné l'évolution de la situation militaire, Wallenberg a dû dire à Horthy, votre camp va être vaincu. Si vous voulez ne pas être jugé et condamné comme criminel de guerre, aidez-moi à sauver les Juifs. Et il en sera tenu compte plus tard. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Oui. Horthy, arrêté par les SS après le coup d'État du parti des Croix Fléchées, finira par s'en sortir et se réfugiera au Portugal. Et sans doute le doit-il en partie à Wallenberg. Donc le Suédois obtient satisfaction après cette rencontre. Tout à fait. Ses passeports de protection, comme il disait, ont en effet été officialisés par les autorités hongroises. Les porteurs renonçaient à la nationalité hongroise et devenaient suédois. Mmh. Mais la Hongrie est occupée. Est-ce que les Allemands, eux, reconnaissaient ces passeports de complaisance? Plus ou moins, oui. Et combien de passeports ont-ils été distribués? Je vous l'ai dit, des milliers et des milliers. Horthy, bien sûr, avait fixé des quotas, mais Wallenberg a triché autant qu'il le pouvait. Il faut d'ailleurs dire que le Suédois n'a reculé devant aucun procédé lorsqu'il s'agissait de sauver des vies humaines. Mmh. Il a déjà dit qu'il avait eu même une aventure avec l'épouse du ministre des Affaires étrangères. Oui, mais cela, c'est peu de chose. Wallenberg, dont l'organisation est très vite devenue impressionnante, puisqu'elle employait à la fin plusieurs centaines de personnes, a versé des pots de vin, corrompu des fonctionnaires, soudoyé d'importants officiers nazis. C'est-à-dire que, au cours de son action en faveur des Juifs, il n'a pas hésité à fréquenter les nazis. Naturellement, et cela aussi pèsera lourd plus tard. J'ajoute que Wallenberg ne s'est pas contenté de fournir des milliers de passeports aux Juifs, mais il les a aussi hébergés dans des maisons placées sous la protection diplomatique de la Suède. Est-ce que Wallenberg va poursuivre ses activités jusqu'à l'arrivée de l'armée rouge? Oui, et pourtant la situation devient de plus en plus difficile. Les hordes des croix fléchées se déchaînent, violent, pillent, tuent. Les pogroms, quoi. Les pogroms, oui. Et Wallenberg se bat pied à pied contre ses assassins et contre les SS qui ont besoin de chair fraîche pour le travail forcé. À la fin décembre, les Juifs sont regroupés dans un ghetto, isolés par une palissade infranchissable. Le pire est à craindre, car Budapest est alors assiégé par l'armée rouge. Et les croix fléchées peuvent être tentées de se venger en massacrant les Juifs. Et c'est ainsi, début janvier, que Raoul Wallenberg décide de prendre contact avec les autorités militaires soviétiques. Toujours dans le but de protéger les Juifs de la ville et prévenir ces massacres. Je le pense, oui. Mmh. À noter, tous ses plus proches collaborateurs l'affirmeront plus tard que Wallenberg se réjouissait ouvertement de l'arrivée des Soviétiques. Mmh. Donc quand il prend contact avec eux, il n'a aucune crainte. Bien sûr que non. Et bientôt, après ce premier contact avec un officier russe, il demande à voir le chef de la 18e armée, le maréchal Malinovski. Une armée dont le commissaire politique n'est autre qu'un certain Léonid Brejnev. Brejnev, et c'est un rapport avec notre affaire? On ne croit pas, non, mais enfin, sait-on jamais. Ah bon. Alors, Wallenberg se rend au QG de Malinovski. Oui, il part en auto accompagné d'un homme qui lui sert occasionnellement de chauffeur. Et à partir de ce moment, c'est le mystère. Car personne à l'ouest ne reverra Wallenberg, ni l'homme qui l'accompagne. Alors que se passe-t-il? Enfin, autant que vous puissiez le savoir. Wallenberg part à la mi-janvier. Or, dès le 16, un communiqué soviétique annonce que le diplomate suédois se trouve sous la protection de l'armée rouge. Ça, c'est plutôt rassurant. Sauf, je vous l'ai dit, qu'on ne reverra jamais Wallenberg. Mmh. En tout cas, ça veut dire que Wallenberg a vraiment atteint les lignes de l'armée rouge et qu'il n'est pas mort en route, je sais pas moi, victime d'un bombardement. C'est tout à fait juste. Mmh. Alors, je vous repose la question, que s'est-il passé? Wallenberg n'a jamais rencontré le maréchal Malinovski parce qu'il a été capturé auparavant par les agents du NKVD. Le NKVD, c'est l'ex-GPU. Et le futur KGB. Ouais. Et pourquoi aurait-il été capturé? Ah, c'est naturellement la grande question. Mais avant d'y répondre, poursuivons chronologiquement. La famille Wallenberg, mais aussi les autorités suédoises, commencent assez rapidement à s'inquiéter de rester sans nouvelles. En février, l'ambassade du RSS à Stockholm rassure tout le monde. Raoul Wallenberg est traité avec égard par les autorités qui l'ont pris en charge. Et puis c'est le silence. Le silence total. Comme si Wallenberg n'avait jamais existé. En 1982, dans un livre intitulé « Mission sans retour » publié chez Albin Michel, Gilbert Joseph a reconstitué les derniers moments de Wallenberg à Budapest grâce au témoignage d'un médecin de la Croix-Rouge. Je le cite. À partir du 12 janvier 1945, Wallenberg fut placé sous la surveillance soviétique. Cela signifie, entre autres, que des officiers soviétiques l'accompagnaient souvent au cours de ses déplacements à Budapest. Le traitement était toujours bon. Dès le jour suspensionné, Wallenberg cherchait à entrer en contact direct avec le maréchal soviétique Malinovski et avec le gouvernement hongrois de l'époque à Debrecen. Son intention était surtout de discuter avec le maréchal et avec le gouvernement des questions concernant la restitution des biens juifs. Après un certain temps, Wallenberg reçut l'autorisation de rendre visite au maréchal qui séjournait alors dans les environs de Debrecen et le 17 janvier, il devait quitter Budapest. Le jour en question, Wallenberg était accompagné par un capitaine ou un commandant soviétique et par deux soldats. Les trois soviétiques suivirent au cours de la journée Wallenberg sur une motocyclette avec sidecar. Wallenberg se déplaçait dans sa propre voiture conduite par son chauffeur. En outre, il avait une importante somme d'argent. Avant son départ, Wallenberg dit qu'il comptait rester absent environ 8 jours. Quel état d'esprit animait Wallenberg au moment où il quitta Budapest en compagnie de son escorte? Nous l'ignorons. Un caissier de son organisation prétend qu'il passa le voir et lui remit également une grosse somme d'argent pour couvrir les frais courants. Wallenberg lui aurait dit, en désignant les Russes qui l'attendaient en bas dans la rue, « Maintenant, je dois partir. Est-ce en tant qu'invité ou en tant que prisonnier? Je l'ignore. » Gilbert Joseph ajoute, très honnêtement, que l'authenticité de cette phrase est douteuse et que Wallenberg, s'il avait eu un doute sur les intentions des Soviétiques, ne les aurait certainement pas suivis tant il avait l'expérience du danger. Wallenberg ne reparaît donc pas, mais il faut aussi se mettre dans le climat de l'époque. La guerre n'est pas encore terminée et le sort de Wallenberg n'intéresse pas grand monde. D'ailleurs, après la victoire de 1945, les Soviétiques cesseront purement et simplement de répondre aux demandes diplomatiques des Suédois. Pire, le Kremlin rappelle son ambassadeur à Stockholm. C'est donc une fin de non-recevoir absolue. Et à chaque fois qu'on leur parle de Wallenberg, les Russes sont très irrités et parlent de provocations antisoviétiques. Ça, c'est classique. Tout à fait. Ils vont jusqu'à prétendre que Wallenberg ne se trouve pas en URSS, ce qui est quand même un gros mensonge. Et lorsque Staline, un jour de 1946, reçoit au Kremlin l'ambassadeur suédois, il le roule dans la farine. C'est-à-dire? Quand le diplomate lui parle de Wallenberg, Staline fait l'étonné. Wallenberg, êtes-vous? Il note le nom sur un bloc-notes, promet de s'occuper de l'affaire et l'entretien est terminé. Et bien sûr, il ne se passera rien du tout après cette rencontre. Rien, en effet, dans l'immédiat en tout cas. Il faut dire aussi que le gouvernement suédois de l'époque ne met guère d'empressement. Mais pourquoi? C'est l'après-guerre. La Suède ne tient pas à se fâcher avec l'URSS et préfère garder avec le mastodonte soviétique des relations de bon voisinage. Non, pas de vague. Pas trop, non. Et à la fin janvier 1947, notez bien cette date, Moscou répond enfin à Stockholm. Malgré des recherches actives, il n'a été trouvé nulle part de Raoul Wallenberg en URSS. Cette fois, le gouvernement suédois ne peut guère aller plus loin. Le gouvernement, oui, mais la famille, les amis, parce que Wallenberg a quand même disparu alors qu'il allait devant les Soviétiques. Et malgré le rideau de fer, d'anciens prisonniers des Russes vont témoigner. Oui, ils ont vu et entendu parler d'un diplomate suédois enfermé dans les geôles soviétiques à Moscou. J'imagine que c'était la Lubyanka, le siège du NKVD. Et aussi dans la prison de Lefortovo. Mais pendant des années encore, Moscou nie. Et il faut attendre la déstalinisation et l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev pour que ça change. En 1956 ou 57, je ne me rappelle plus très bien, les Soviétiques donnent une nouvelle version de la disparition de Wallenberg. Et cette fois, c'est laquelle? Le Suédois serait mort à la Lubyanka en janvier 1947 d'un infarctus du myocarde. Janvier 1947, c'est-à-dire le mois où la première note soviétique est parvenue à Stockholm. Exactement, et Moscou produit un certificat de décès. Et le corps? Il aurait été incinéré. Version assez suspecte. Bien évidemment, personne n'y croit. Surtout pas la puissante famille Wallenberg qui continue à remuer des pieds et des mains pour savoir la vérité. Et qui surtout, après le recueil de nouveaux témoignages d'anciens prisonniers, se dit persuadé que Raoul est toujours vivant. D'autre part, l'hypothèse d'un infarctus chez un homme de 35 ans n'est pas très crédible. Et vous, que pensez-vous de ces témoignages de prisonniers? Certains sont très troublants. Mais il faut aussi penser à une chose. Wallenberg n'était certainement pas le seul prisonnier suédois en URSS. De nombreux Finlandais qui parlaient le suédois avaient été capturés par les Soviétiques. D'autres, enrôlés dans les SS de la division Viking, avaient été également faits prisonniers. Alors, la présence d'un Suédois dans une geôle soviétique n'apportait nullement la preuve formelle que Wallenberg était toujours vivant. Ouais. J'ai même l'impression que vous n'y croyez pas du tout. Hein. Vous avez deviné, mais continuons. Attendez, en pleine période de déstalinisation, Moscou admet donc que Wallenberg se trouvait dans une prison soviétique. Mais est-ce qu'on explique pourquoi? Pas vraiment. Mais comme l'époque était la dénonciation des crimes de Staline, on met tout sur le dos d'un des adjoints de Beria, un certain Abakumov. C'est d'autant plus facile que ce type a été exécuté depuis. D'accord, mais on n'explique pas vraiment. Non, on se contente d'imputer la regrettable arrestation de Wallenberg à cet Abakumov. Mais on ne dit pas de quoi Abakumov a accusé Wallenberg. Vous avez raison. En tout cas, il faut noter que tout au long des années 60 et 70, d'autres témoignages viennent renforcer la thèse de la famille Wallenberg. Leurs parents seraient toujours vivants, enfermés dans un asile psychiatrique. Ça fait quand même beaucoup de témoignages. C'est juste. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Soviétiques eux-mêmes vont contribuer à les accréditer. Les Soviétiques, mais de quelle façon? Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je me souviens qu'au milieu des années 70, un juif soviétique récemment libéré de prison fait parvenir une lettre à sa fille, qui réside en Israël. Il lui dit que lors de son incarcération, il a rencontré un Suédois emprisonné depuis 30 ans, dont le nom est Wallenberg. Et pas Wallenberg? Oui, enfin avouez que c'est très proche. Aussitôt, la fille de cet homme fait état de la lettre de son père. La réaction des Russes est immédiate. Le père est à nouveau arrêté et emprisonné, tandis que la fille reçoit des coups de fil menaçants. Si elle veut revoir son père, elle a intérêt à se taire. Est-ce qui prouve que les Soviétiques ont réellement quelque chose à cacher? Bien évidemment. Est-ce qui renforce l'hypothèse Wallenberg toujours vivant? Pas obligatoirement. Je pense que la réaction des services de sécurité n'a en réalité qu'un but. Faire en sorte qu'on ne parle plus de Wallenberg. Parce que cette affaire dissimule un secret, peut-être même un secret d'État? Ça me semble évident. Et même la glasnost et la perestroïka prônées par Gorbatchev ne viendront pas soulever cette chape de plomb qui pèse sur le dossier Wallenberg. En 1989, comme pour se débarrasser une fois pour toutes de cette affaire embarrassante, l'ambassadeur du RSS en Suède reconnaît explicitement la culpabilité de son pays dans la disparition de Wallenberg. La disparition, c'est-à-dire son exécution? Non. On en reste à la thèse de la crise cardiaque. Mais pour la première fois, les Soviétiques remettent à la famille Wallenberg des preuves de l'incarcération du diplomate à la Lubyanka. Quel genre de preuves? Des documents retrouvés dans la sinistre prison du NKVD. Son passeport diplomatique, son permis de conduire, un carnet, même des vieux billets de banque. Et aussi une attestation d'un officier sanitaire de la prison qui affirme que Wallenberg souffrait d'une affection cardiaque. Un document qui pourrait avoir été tout à fait fabriqué de toutes pièces. Bien sûr. Ouais. Ce mea culpa n'apporte donc pas une lumière vraiment nouvelle sur l'affaire. Alors, j'écoute votre propre version. Je dois d'abord vous dire que la présence de Wallenberg à Budapest était depuis longtemps connue des agents soviétiques. Et il était prévu de le capturer dès la chute de la ville. Et pourquoi le capturer? Il y avait essentiellement deux raisons. D'abord, je voulais laisser entendre les liens du diplomate suédois avec les services américains. Parce que vous pensez que Wallenberg était un agent américain? Pas vraiment, mais ses liens avec l'OSS étaient suffisamment étroits pour que les soviétiques aient des doutes. Et personnellement, je pense que Wallenberg, ça ne diminue en rien ses mérites, a dû à l'occasion fournir de précieuses informations aux services américains. Des renseignements sur quoi? Sur la situation en Hongrie, sur l'état des forces allemandes, par exemple. Donc pour les Russes, est-il presque légitime de le considérer comme un espion américain? Sans nul doute, un espion américain qui avait eu en outre des relations avec des officiels nazis. Et c'était pour sauver des juifs, hein? Ça, pardonnez-moi, mais les gens du NKVD s'en moquaient complètement. Alors que se passe-t-il quand on capture un agent d'un service concurrent, même si en principe on est encore allié? Je ne sais pas, moi il me semble que vous êtes mieux placé pour y répondre. Sans doute, oui. Et bien on essaie de le retourner. C'est-à-dire de l'amener à travailler pour vous? Exactement. Mais Wallenberg, tel que je l'imagine, n'a pas dû être très coopératif. Et ensuite, il y a autre chose de beaucoup plus important. C'était son nom. Wallenberg. Oui, Wallenberg. Les Soviétiques étaient très bien renseignés. Les Wallenberg, une partie de la famille en tout cas, avaient eu des rapports assez étroits avec les nazis. Que voulez-vous dire là? La banque des Wallenberg avait fait des affaires avec l'Allemagne. Et bien sûr, indirectement, elle avait concouru à aider l'effort de guerre nazi. C'était d'autant plus facile que la Suède était un pays neutre et qu'officiellement, rien, légalement, ne s'opposait à ce que cette banque ait des rapports avec les entreprises allemandes. Comme d'autres, un Suisse, celle-là. C'est juste. Alors, vous comprenez, pour les Soviétiques, mettre la main sur un Wallenberg, ce n'était pas rien. Vous pensez qu'ils auraient pu se venger? Se venger ou penser à utiliser ce Wallenberg pour faire pression sur sa famille, allez savoir. La banque de la famille avait mis la main sur plusieurs entreprises allemandes à la faveur des ventes fictives. Ouais. Des ventes fictives, c'est-à-dire des ventes qui permettaient à ces firmes d'échapper à d'éventuelles représailles après la défaite du Troisième Reich. Oui, les Russes ont peut-être voulu avoir leur part du gâteau. Mais vous n'en savez pas plus. Sur ce point précis, non, je dois le reconnaître. Alors, la vérité sur la mort de Wallenberg? Je crois que cette vérité est beaucoup plus banale qu'on ne le croit. Wallenberg, pour toutes les raisons que je vous ai dites, a dû être soumis à de nombreuses pressions et sans doute à de nombreux interrogatoires. Il y a eu une bavure, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est mort au cours d'une séance de torture? C'est ma conviction. Dès le mois de janvier de 1947, Raoul Wallenberg était mort. Tout le reste n'est qu'affabulation. Mais les Russes auraient pu aussi l'avoir exécuté. C'est vrai, mais quel aurait été leur intérêt? Wallenberg, pour eux, était plus utile vivant que mort. Non, je vous l'assure, la mort de Wallenberg a été une faute, une terrible faute qu'il a fallu ensuite dissimuler tant bien que mal. Bien sûr, dans tous les documents que j'ai lus, je n'ai trouvé nulle confirmation de cette version. Toutefois, dans le livre du transfuge soviétique Gordievsky, paru en 1990, Le KGB dans le monde, on lit que Wallenberg aurait été effectivement l'objet d'une tentative de retournement. Mais le Suédois refusa de devenir un agent de l'Est. Autre élément intéressant. Dans un numéro de la revue Historia de juin 1996, le journaliste Jean-Charles Deniaud affirme qu'une de ses consoeurs des Isvetia a découvert le dossier Wallenberg dans les archives du KGB. Le Suédois, convaincu d'espionnage au profit des Allemands et des Américains, aurait été fusillé à la Lubyanka dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942, c'est-à-dire exactement au moment où les Soviétiques ont prétendu que Wallenberg avait succombé à une crise cardiaque.